Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Sanganiro. Bienvenue dans ce journal, à ce journal, la grande, l'édition de la soirée de voici les principaux titres. Un cas de coups et blessures mortelles en commune Mourambia interpelle le procureur général de la République qui a fait le déplacement. Une famille refuse d'enterrer un membre de sa famille mort devant le cachot du commissariat de la police depuis une semaine et réclame d'abord le jugement de tous les coupables des Imbonerakure qui auraient agi sur ordre du vice-président du parti CNDD-FDD. Témoignage d'un frère de la victime dès le début de cette édition. Réapparition d'une femme du quartier Guizicio de la zone Kanyosha-Amérique de Bujumbura, disparue depuis mardi, mais sa famille ne parle pas d'enlèvement, plutôt d'un montage contre son fils en conflit avec elle depuis 2015. Le représentant du Burundi à la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse a balayé d'un revers de la main le contenu du rapport présenté ce jeudi par la commission d'enquête. On fait le point dans ce journal. Et nous sommes le 16 juin, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Différentes organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'enfance se sont exprimées pour réclamer la protection de cette catégorie. Et dans l'émission publique des porte-parole des différentes institutions de la République, il a été noté entre autres préoccupations, c'est le rapport avec l'expulsion des familles qui occupe le périmètre aujourd'hui en chantier pour le nouveau palais présidentiel. Bienvenue dans cette édition, mise en onde par Jean-Dodie Ndaïsing. À la présentation, au Placide Niomungere. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page droit de l'homme pour débuter ce journal. La commission d'enquête sur le Burundi a présenté un rapport qui fait état de poursuites des violations des droits de l'homme. Cette commission qui enquête sur ces violations pendant la crise politique affirme que la violence à l'encontre des opposants burundais au régime du CNDD-FDD continue au Burundi. Le représentant du Burundi à cette réunion a balayé d'un revers de la main le contenu de ce rapport présenté ce jeudi au cours de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Et les détails avec Pacifique Chouvahiro. Dans cette session sur la situation des droits de l'homme qui se tient à Genève, le président de la commission d'enquête sur le Burundi, Fassa Ouguergouz, affirme que la commission a déjà recueilli 460 témoignages. Depuis avril 2015, des violations des droits de l'homme ont été commises, la plupart contre les opposants au régime du CNDD-FDD. La peur a envahi plusieurs Burundais et 400 000 d'entre eux ont pris le chemin de l'exil. Personnes que nous avons interrogées ont fait état de leur peur, des menaces qui pesaient tant sur elles que sur leur famille. Donc ces personnes ont été interrogées à l'extérieur du pays et ce climat de peur existe également à l'extérieur du pays dans les camps où ces personnes sont réfugiées. Et nous avons reçu un certain nombre de témoignages selon lesquels des actes de torture, par exemple, auraient été accompagnés par des insultes, pour certaines de ces insultes, de nature ethnique. Selon Fassa Ouguergouz, le résultat d'enquête écarte l'idée de génocide au Burundi. Mais il affirme que les abus commis sont d'ordre politique et non d'ordre ethnique. Il y rappelle que les principaux partis d'opposition ne sont pas autorisés à travailler. Il admet par ailleurs des difficultés pour sa commission d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, d'autant plus que sa commission et les organisations libres de la société civile ont été interdites. Le représentant du Burundi dans cette session rejette ce rapport. Taburenova affirme que le rapport a été le produit des opposants au régime, dont l'Union européenne. Il n'est pas superflu de rappeler que la présente commission est l'émanation du rapport de l'UNIP, un rapport contesté par le Burundi et taillé sur la volonté de l'Union européenne qui a tourné le dos au gouvernement et au peuple burundais, lui refusant ainsi toute coopération pour une résolution consensuelle. Tout ce qui se passe depuis 2015 est une mise en exécution d'un plan de déstabilisation des institutions burundaises soigneusement préparé par des éléments exogènes. À titre d'exemple, Monsieur le Président, les derniers documents qui ont fuité faisant état de soutien financier et logistique de l'Union européenne en faveur de ceux qu'elle considère comme défenseurs des droits de l'homme, alors qu'il s'est avéré que ce sont des individus qui étaient engagés dans la déstabilisation du Burundi, en constituent une preuve éloquente. Le président de la commission d'enquête demande que la communauté internationale fasse pression sur le Burundi pour que les violations des droits de l'homme commises soient punies. Merci Pacifique Chouwahilolo. Qu'on redans certains Narondele Yanisse vient de passer une semaine à la morgue de l'hôpital de Muramvya. Sa mort est survenue devant le cachot du commissariat de la police à Muramvya après avoir été passé à tabac par des agents qui seraient des jeunes Imbonerakure du parti SEN des DFDD selon le frère de la victime. Ces jeunes Imbonerakure auraient agi sur l'ordre du vice-président du parti SEN des DFDD à Muramvya qui est toujours libre selon toujours Emmanuel Ndaï Saba, le frère de la victime. Je vous prie de le suivre. Ils étaient au nombre de trois. Ils quittaient Gitega vers Bukeye. Arrivés à Muramvya, ils ont été interceptés par des Imbonerakure. C'était un groupe d'au moins 6 jeunes. Ils les ont passés à tabac, les accusant d'avoir joué des jeux de hasard et d'avoir pris une somme de 45 000 et un téléphone portable à une dame. C'est le vice-président du parti qui leur a donné l'ordre de les battre. Quand ils les ont vus en mauvais état, ils les ont acheminés au poste de la police de Muramvya. Mon frère est mort devant le cachot de la police. Ses amis ont été transportés à l'hôpital de Muramvya et mon frère à la morgue de cet hôpital. Ces deux autres ont été finalement sortis de l'hôpital pour retourner au cachot. Je suis pessimiste à propos de ce dossier. Seuls trois parmi les auteurs de ce crime ont été arrêtés et ils affirment qu'ils ont agi sur l'ordre du vice-président du parti. Il est toujours libre sans être inquiété ainsi que ses amis. Et le président du parti SEN des DFDD à Muramvya, Masomboko Jean-Dominique, s'est gardé de tout commentaire car, selon lui, le dossier est en cours d'instruction et ajoute que le concerné s'est déjà défendu devant la justice. Ce dossier aurait interpellé le procureur général de la République qui aurait fait une descente à Muramvya. Nous avons essayé de le joindre par téléphone mais sans succès. Après trois jours de la disparition d'une femme du quartier Guissio de la zone urbaine de Kanyosha, celle-ci est réapparue dans sa famille dans l'aube de ce vendredi. Sa famille ne conçoit pas sa disparition comme un enlèvement. Plutôt, elle parle d'un pire montage contre son fils Naoundéli Eric, en conflit avec elle depuis 2015. La famille plaide pour la libération d'Eric, qui est sous les verrous depuis la disparition de sa mère. Et le chef de zone Kanyosha demande à cette famille d'attendre les résultats des enquêtes en cours. Le point avec Jean Bosco Ndouimane. Cette femme est connue sous le nom de Chouga Céline, âgée de 55 ans. Sa disparition a été révélée lorsque deux personnes sont venues toquer sur la porte de son fils Naoménière et Eric pendant la nuit pour lui signifier que sa mère avait été enlevée. Il n'est pas sorti. Le lendemain matin, selon ses voisins, ils ont été surpris de voir que ses deux petits-enfants qui vivaient chez Chouga étaient à son voisin Hassan. Interrogé sur l'enlèvement de Céline, il a dit que des gens ont fait irruption dans la clôture et l'ont prise avec son poste téléviseur, un décodeur, une valise et son sac à main, des objets qui ont été découverts dans une autre famille voisine de la nommée Tazini, la belle-fille de la famille de Hassan qui a gardé ses petits-enfants. Celle-ci, poursuivent ses voisins, a révélé que l'ordre de déplacer les biens de Céline lui avait été donné par Hassan, moyennant 500 francs de transport. Convoqué à la zone, Tazini a eu l'injonction du chef de poste de la police de Kanyosha de ne plus évoquer à personne ce qui est en rapport avec l'enlèvement de Chouga Céline. Lorsque la famille se rendait à la zone Kanyosha avec les nouvelles que Chouga Céline serait cachée dans une famille de Kanyosha, cette famille témoigne avoir vu un certain Jodassin du service national de renseignement venir avec deux hommes, dont Boudissi et Enoch, avec la seule mission de charger l'office de Chouga Céline, qui était détenu dans une cellule d'une maison de détention de la zone Kanyosha, avait comme mission d'éliminer sa mère. Ces informations indiquent que le chef de poste de Kanyosha et les deux hommes auraient ordonné à Nachomenyere Eric, fils de Chouga Céline, de signer un écrit comme preuve de son plan d'élimination de sa mère, ce qu'il aurait refusé. Témoignent les voisins. Très tôt le matin, ce vendredi, Chouga Céline est réapparue dans sa famille tranquillement, ce que les voisins et les membres de sa famille trouvent comme un pur montage pour enfoncer son fils Naoménière Eric, qui avait été emprisonné en 2015 suite aux accusations de sa mère Chouga. Au moment où la famille plaide pour la libération de Naoménière Eric, le chef de zone Kanyosha, Jean-Pierre Niyonguru, demande à cette famille d'attendre les résultats des enquêtes enquête qui reste en cours. Et pour lui, ce sont des mésententes liées aux conflits familiaux. Jean Bosco Ndouimana en parlait avant d'ouvrir la page de la célébration de la journée de l'enfant africain. On parle de cette émission publique et des porte-paroles des différentes institutions. Une émission qui a été animée depuis Tchankouzo. Dans cette émission, le ministère de l'Environnement annonce que les enquêtes sur le probable détournement des indemnisations des propriétaires des parcelles situées en zone Gassengi vont bon train. Le porte-parole de ce ministère reconnaît qu'il y a eu des irrégularités dans la gestion des indemnisations. Mais Omer Nyonguru leur demande de ne pas construire des maisons en paille dans ces parcelles. Il l'a dit aujourd'hui dans une conférence publique des porte-paroles des institutions, une émission qui a été animée, comme je le disais tantôt, depuis Tchankouzo. On l'écoute. Et l'argent déjà débloqué par l'État et les gens qui vivaient dans cette localité ont droit bien sûr à leur indemnisation. Nous profitons alors de cette occasion de vous annoncer que cela a été fait, l'argent a été débloqué et aussi des parcelles ont été données à Maramvia. Mais ce qui est remarquable, c'est que de petits problèmes liés à la technique ont été relevés. C'est vrai, c'est alarmant que la situation est ainsi, mais nous nous disons que ces gens n'ont pas été oubliés. Après avoir constaté qu'il y a eu des irrégularités, et tout cela se trouve au niveau de la justice, incessamment, ils seront indemnisés. C'était Omer Nyonguru, le porte-parole du ministère de l'Environnement dans une traduction d'Aubin Nyonguru. Dans quelques instants, nous ouvrons la page de la célébration de la journée de l'enfant Afrique. Isanganiro. À l'occasion de la célébration ce 16 juin de la Journée mondiale de l'enfant africain, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB, demande aux enfants burundais, qui représentent 56% de la population nationale, d'accomplir eux aussi leur devoir de citoyens participant activement à la reconstruction de leur patrie. Pour y parvenir, ils se refuseront de participer aux activités politiciennes sous la houlette des politiciens verrés qui ne font que les aliéner au détriment des actions de développement. Dans une déclaration rendue publique pour la circonstance, la FENADEB demande aux enfants de développer en eux des valeurs humaines de tolérance et d'acceptation mutuelle dans leurs différences. Cette fédération demande au gouvernement burundais de faire sien le thème choisi pour cette année en garantissant de façon efficiente la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances chez les enfants. Plus de 2000 enfants sont en situation de rue à cause surtout de la pauvreté dans les familles. Le coordinateur national de l'association Guili Yuja qui donne ce chiffre plaide notamment pour le développement des activités génératrices de revenus dans les familles à risque. Au niveau du ministère des Droits de l'Homme, l'on indique que le programme se rapportant à la situation de ces enfants continuera en coordination avec les associations œuvrant dans ce domaine. Le reportage est d'Alain Désiré. Urumva biragoye kugira mfungure kandi biragoye no kugira ndonke bafise ababyeyi bose ndabafise ariko. Celui-ci est un enfant de la provenance de la commune Mutambu en province Bujumbura. Il dit qu'il est en situation de la rue pour cause de la pauvreté dans sa famille. Je m'appelle Niyonkuru Cédric et je suis mendiant dans la rue. J'ai tous mes parents, mais ils sont vraiment pauvres. Normalement, ils savent que je reste ici. En descendant, je leur ai dit que je vais au boulot. Tu comprends, quand il n'y a pas à manger, ils ont dû m'autoriser. L'un des enfants de l'école communément appelé BIMS de Kabondo, à mairie de Bujumbura, plaide pour l'assistance de ses enfants de la rue. Pour eux, ils ne se sentent pas bien. Mais nous, on se sent bien quand on dort dans un lit, on habite dans une maison, mais eux, ils habitent dehors. C'est un petit peu difficile pour eux. Ils ne partent pas à l'école, ils n'apprennent pas des trucs. Ils restent dans la rue en train de demander de l'argent. Même demander l'argent, c'est pas bien. Il faut qu'ils partent étudier. C'est où ils vont avoir une bonne vie comme nous parce qu'on étudie. C'est bien qu'ils étudient parce qu'ils vont apprendre. Plus de 2000 enfants sont en situation de la rue dans tout le pays. Le coordonnateur national de l'association Giriyuja considère que l'assistance aux familles pauvres pourrait contribuer à la réduction de ce chiffre élevé. Il y a un grand nombre d'enfants en situation de rue. On compte déjà plus de 2000 enfants en situation de rue dans la ville de Bujumbura. Il devrait y avoir un travail au niveau communautaire, c'est-à-dire comment développer des activités génératives de revenus au niveau des familles à risque, mais aussi faire un travail direct pour les enfants qui sont déjà dans la rue. La conseillère au département Enfants et Familles au sein du ministère des Droits de l'Homme fait savoir que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue continuera en coordination avec les associations œuvrant dans le domaine de l'enfance. Frédérica Bahenda considère que cette action pourra être menée en associant beaucoup plus ses enfants. Alain Désiré Boukeyeneza qui nous disons merci. L'association New Generation qui œuvre dans le domaine des enfants de la rue appelle les parents à prendre soin de leurs enfants pour éviter qu'ils aillent vivre dans la rue. Le chef de programme au sein de cette association, Teddy Claude Harushimana, indique que les enfants de rue rencontrent de multiples problèmes dont le manque d'éducation et de soins de santé. Il prône la conjugaison des efforts de tous les intervenants dans ce domaine pour trouver une solution à ce problème qui viole le droit des enfants. On l'écoute. Pour le moment, nous avons déjà identifié des grands problèmes que rencontrent ces enfants de la rue. Il y a premièrement le problème lié au logement, deuxièmement le problème lié aux soins de santé, et troisièmement le problème lié à la nutrition, et quatrièmement le problème lié aux soins de santé. Et New Generation essaie de satisfaire ces besoins. Nous avons des enfants actuellement qui vont à l'école parce que dans New Generation, nous voulons aider ces enfants à devenir des leaders comme c'est la vision de New Generation qui est de bâtir une génération des leaders afin de préparer un avenir meilleur du Burundi. Alors nous avons 39 enfants qui sont pris en charge par notre organisation. Nous avons aussi 36 autres enfants qui sont appuyés tout en étant dans leurs propres familles. Est-ce qu'il n'y a pas de défis? Oui, des défis majeurs. C'est lié à la mentalité des parents. Il y a des parents qui sont irresponsables, qui envoient des enfants qui demandent de l'argent dans la rue. Le deuxième défi, c'est le défi lié aux moyens limités. On aimerait réaliser beaucoup de choses. On aimerait aider un grand nombre d'enfants, mais nos moyens sont limités. Et troisièmement, c'est le défi lié aux enfants eux-mêmes. Il y a des enfants qui ne veulent pas quitter la rue parce que pour eux, la rue constitue un endroit où ils peuvent s'exprimer et un endroit où ils peuvent se sentir en liberté. Nous lançons un appel vibrant au niveau des décideurs politiques pour qu'ils puissent coordonner les activités des organisations qui appuient ces enfants, pour que nos efforts ne soient pas éparpillés. Deuxièmement, c'est d'interpeller les parents à prendre soin de leurs enfants parce que l'avenir de ces enfants dépend de l'éducation que ces parents donnent à ces enfants. Et troisième appel, c'est d'interpeller la population burundaise à éviter de marginaliser ces enfants parce que ce sont des enfants comme les autres. Ils ont des droits. Ces enfants doivent être respectés dans les droit. C'était Teddy Claude Harushimana, il est le chef des programmes au sein de l'association New Generation. Et enfin, pour également clore cette édition dans cette librique, l'association ONCTO et ton frère indique que plus de 60 filles ont été violées dans la province de Bubanza depuis le début de l'année. Parmi elles, les mineurs, comme l'affirme le président de cette association au moment où le monde célèbre ce vendredi la journée dédiée à l'enfant africain. Maître Prime Mbarubuke demande au gouvernement de suivre de près la province de Bubanza. On l'écoute. Depuis janvier 2017, l'ONCTO et ton frère a lancé une campagne silencieuse dénommée Simamisha 2017 pour la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, ainsi que les violences basées sur le genre dans quelques provinces du pays en général et en province de Bubanza en particulier. En effet, selon les données dignes de foi carrefouillées au parquet de Bubanza, plus de 62 filles et enfants mineurs ont été violées au cours de ces 5 mois écoulés, dont 28 enfants mineurs, soit 45% des cas recensés, et dont 5 cas seulement ont malheureusement abouti à des condamnations. Voici les facteurs qui militent, même aujourd'hui, en faveur de cette montée exponentielle des violences sexuelles dans cette province. Il y a notamment les actes d'intimidation ayant pour but l'abandon d'une procédure judiciaire et les poursuites judiciaires. Et il y a aussi l'inertie liée à l'inobservance de la procédure de flagrance qui n'est plus en vogue dans cette province et par endroit. Et il y a aussi l'impunité, la corruption, etc. De ce qui précède donc, l'ONLCT, où est ton frère, voudrait sortir de son silence en condamnant énergiquement ces violences et en demandant au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Primo, de suivre de près et d'une façon sui generis la province de Bubanza, a fortiori la commune Gihanga, et de sommer le parquet de Bubanza à s'impliquer activement dans la répression de ces infractions via la procédure de flagrance chaque fois qu'il y a besoin, car de graves violations des droits fondamentaux des enfants mineurs ne font que parler d'elle actuellement au sein de cette circonscription judiciaire du pays. En témoignent les chiffres mensuels des victimes qui évoluent malheureusement en crescendo. Voilà, c'était Prime Mbarou qui est président de l'association ONLCT, oui, ton frère. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean de Dieu Ndaï Senga pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomongere. Bonne soirée à tous. Au revoir.